Élevons au-dessus de tout. Ton nom est sublime. Ton nom est puissant. Ton nom est parfait. Ton nom est salut. Il est rédemption. Il est amour. La grâce qui nous sauve. C'est dans ton nom Jésus-Christ. Que ce nom soit béni. Éternellement béni. Que ce nom nous guérisse. Amen. Il nous exauce. Il nous rende favorable devant Dieu. Agréable dans sa présence. Oh, laisse tomber nos culpabilités. Amen. Et puis nous dit vieil homme chacun son âme. Change l'église. Mets-le sur la tête. Que chacun voie cela. Que chacun croie cela. Que chacun entende cela. Que chacun parle ta puissance. Que ça devienne un vrai témoin. Nous sommes ici au nom de Jésus. Pour t'adorer et te servir, pour appuyer les supplications, et tu nous as entendus, tu nous as inspirés, tu nous as oué, Seigneur, et nous sommes rassurés, et c'est un amour réel, et un amour éternel, et un amour rédempteur, qui change nos personnes, qui change nos caractères, qui change notre stabilité, pour nous donner la sainte de tes lieux, et nous rêver la robe de fête, pour aller au feste de pour nous qualifier dans ce qu'il y a les humains, nous distinguent et nous tirent de la boule du péché. Gloire et louange à toi pour l'éternité. Toi qui vis et règne pour toujours. Gloire et louange à ton Seigneur. Dans les cieux et sur la terre. Dans le tabernacle chrétien. Partout où il y a l'église de l'assemblée de la mort. Gloire et louange à ton éternel. Tu es notre rempart. Notre ordre chrétien. Notre rancier d'âge. Votre refuge, votre consolation, protège notre foi, relève son niveau, parle à nos cœurs, parle à nos le prédicateur, parle ouais, l'auditeur chacun pour sa part. Nous voulons voir la grâce de ce soir. Édifiant notre foi. Répondant à nos besoins. Répondant à nos questions. Opérant le surnaturel. Nous permettons à chacun d'avoir une expérience. Un témoignage. Et une action de louange. Pour la gloire du Dieu éternel. Pour la gloire du Seigneur. Et rassure nos cœurs. Et d'être avec toi. Marche plus près de toi. Toi, notre force éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Prions ici pour ta gloire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons écouter l'exhortation ce soir. Le canal des serviteurs de Dieu qui est en visite parmi nous. Jean Kumwamba. Nous invitons ici à la chair pour apporter cette exhortation. Bienvenue ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous souhaitons tous le bienvenu dans la maison de notre Dieu. Sans plus tarder, tenez-nous debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux chapitre 13 au verset 8. Je dis Hébreux chapitre 13. Verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ a jali motindo moko lobi pe le lompe libela. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Zambi apambola ilovanaye. Vous pouvez vous mettre. Okukovanda. Oui, nous allons nous entretenir sur ce petit sujet. Pour les faire sortir dans l'histoire.

courage. Ne regardez pas aux yeux visibles. Mais regardez aux invisibles. Ne soyez pas comme Géasi. Vous allez le qui a vécu longtemps avec le prophète Élisée. Mais qui ne comprenait pas la puissance de Dieu d'Élisée. C'est la même chose avec vous. C'est depuis longtemps que vous êtes dans cette assemblée. Vous n'avez jamais expérimenté les dieux de David Chibango. C'est ça votre difficulté. Mais enlevez votre crédulité. Enlevez votre doute. Enlevez votre pierre. Vous verrez la grandeur de votre Dieu. Les Syriens sont venus envahir la maison des prophètes. Il est sorti, il a regardé, Atali. Il a vu l'armée syrienne autour de la maison. Il est allé dire, oh non, non, papa, nous sommes en danger. Voilà, et il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Et ils ont venu voir, il dit, quoi? Il y a une armée derrière. Regardez pas ce qui frappe aux yeux. Regardez à l'invisible. Regardez à la promesse de Dieu. Ne laisse jamais sa parole. Laissez sa promesse. La promesse de Dieu. Et vous verrez la même puissance de Dieu. Il a demandé c'est quoi? Mais vous ne voyez pas. Alors vous allez comment voilà. Il y a une armée. Ils allaient m'apinga. Quand le peuple a commencé à s'alimenter, à s'agiter, Moïse a dit, gardez silence. Vous allez la chimia. Ce soir, gardez silence. Ah, restez kimia. En place. Ayez la foi. Vous allez la condima. C'est possible à celui qui croit. Non, c'est ces Égyptiens que vous voyez, bah, ici, plutôt, vous allez vous ne verrez plus encore. Au commun, à Bango, le sous-souté. Tous les démons qui vous ont tourmenté. Madame, la maladie qui vous a fait souffrir. La situation qui vous a fait. Ayez la foi. Vous allez la Ayez foi en Dieu. Moïse a dit, vous gardez silence. Vous allez ce soir, gardez silence. Vous allez vous belle chimia. Notre Dieu n'est pas un monstre. Zambé n'a pas allié l'image. Sera prêché dans toute sa totalité. La colonne devrait suivre ce message pour le confirmer. Croyez-vous qu'il est au milieu de nous. Bon, dimanche, avec quatre, tu n'as vu ça. Ne regardez pas à la grandeur ou à ce que le médecin vous a dit. Regardez la promesse de Dieu. Il a dit, dans ce maîtrise-ci, nous sommes déjà guéris. Ils sont tous. C'est pas la parole du pasteur, mais c'est la parole de Jésus lui-même. Vous allez l'obéir, c'est celui qui tient sa promesse. Vous gardez silence. Vous vendez chimia. Restez en place. Ayez mon courage. Vous allez avoir foi en Dieu. Vous avez déjà demandé. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. Et tout est possible à celui qui vous. Et toutes ces difficultés, toutes ces sorties-là, Mon Dieu, qui vous tous tes ennemis, toutes tes maladies, aujourd'hui, au nom de Jésus, ça va mourir dans la mer. Et tout simplement la foi. Et dit à Moïse, pourquoi crier? Parlez tout simplement. Et l'enfant de Dieu n'est pas plaintif. La Bible dit, faites de vos besoins à Dieu, faites de prières et de supplications, lui-même prendra soin de vous. Et tout est possible à celui qui croit. C'est pour ça qu'il reste calme, restez sur place. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Cette maladie qui t'a longtemps troublé, cette autre qui t'a trouvé en vous envoyer les sorciers là de votre famille, donc, yo, wana, vous ont toujours haï. Aujourd'hui, ils vont mourir dans la mer à condition que vous ayez la foi. Lo, baite, osa, lo, bele, la condima. Et Moïse a dit, et qui était trop triste. Quand ils ont traversé au désert, Myriam a pris les tambourins. Il a commencé à louer sur l'éternel. Louer sur l'éternel. Pourquoi? Puisqu'il a dit la délivrance de son peuple. Et Moïse a dit, tournez-moi la mer. Il a dit, allez, reprenez maintenant ta verge. Et quand Moïse a repris sa verge, il était revenu mettre à ce sujet. Comme auparavant, et tous les Égyptiens étaient morts dans la mer. Et c'est la délivrance de son peuple. Et vous aussi, tous les démons de l'enfer, tous ceux qui nous tourmentaient, tous les gardiens envahisseurs, Jésus les a vaincus sur le bois du calvaire. Et il avait dit, mais tout est accompli. Il n'y a aucune dette. N'écoutez pas, vous voyez seulement, vous verrez la même puissance de Dieu. Enlevez la doute en vous. Enlevez la pierre en vous. Vous verrez la même puissance de Dieu. Si Dieu a tué les Égyptiens, les ennemis des enfants d'Israël, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même ennemis. Nous avons consacré pour dire que qu'il ne puisse même arriver à la fin de cette année. Mais comment il est arrivé? C'est la grande main puissante de Dieu. C'est la protection éternelle. Puisque il a dit, tout ce qui est entre mes mains, personne ne peut le ravir. Et il est tout simplement foi à Dieu. Lisons dans Psaume chapitre 91. Oui, quand sera il sera air, vous me ferez signe. Psaume 91. Somme 91. Kulibwana moko. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Ah. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Oyo akofanda kati na esika na kobomba mana oyo aleki likolo. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Akope mana sena elilingi na oyo na ngwe. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. Naloba ke pa na yawe ete yo ojali ebombelo na ngai pe ndako na ngai. Mon Dieu à qui je me confie. Vame na ngai oyo ekondima ngai. Car c'est lui qui te délivre des loiseleurs. Zambi ye akobimisa yo na monyama na oyo akobomaka ndeke. De la peste. De la peste. N'a pas maladie, n'a pas maladie. Et c'est la page. Il te couvrira de son plume. Il trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.

l'église de Paul. Le Dieu de Branham et de tous les chrétiens. Mais ça à la rencontre des âmes. Manifeste le surnaturel. Pour que cette église entre en contact. Que chaque frère entre en contact. Que chaque soeur entre en contact. Avec le surnaturel. Oh, une puissance réelle. À laquelle il peut parler. Et qu'il va répondre. Pour confirmer la parole. Oh Seigneur. Sonde l'histoire. Tu es libre et tu es oui. Tu es le meilleur aujourd'hui pour nous. Tu es avec nous. Tu es avec Israël. Tu es avec les apôtres. Tu es avec William Branham. Tu es avec nous. Où sont ces produits? Où sont ces miracles? Passe le ciré d'appréciation. Passe la part. Étape par étape. Nous ne voulons pas forcer ta main. Nous ne voulons pas distancer le Seigneur. Nous ne voulons pas appeler sur la terre. Le bâtissant de Jésus-Christ. Le sang qui nous couvre. Qui notre culpabilité. Nous rendons agréable à Dieu. Le Saint-Emmanuel. Nous venons sur base de ce sang. Pour réclamer les droits du calvaire. Les droits que tu as conquis pour nous. La victoire que tu as rachetée pour nous. Contre la puissance d'éternel, la puissance du péché, la puissance d'iniquité, et tu nous a libérés à nous demander de croire, d'avoir le courage, quand tu as vaincu le monde, quelles que soient les tribulations, que nous ayons courage, la soit ici pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ et chaque jour de notre vie, nous réclamons ces choses et te bénissons d'avance, glorifiant d'avance, c'est ce que tu nous as écouté, c'est ce que tu nous as exaucé, selon ta parole écrite, et que les effets se succéderont jour après jour pour témoigner que le surnaturel de Dieu est une réalité, que l'action de Dieu est une réalité, et que de nos jours il peut susciter des témoins. Il peut faire de nos yeux des témoins. De nos oreilles témoins. Des œuvres merveilleuses de Dieu. Des miracles du Seigneur. Des produits du Dieu vivant. Des œuvres de puissance. Il a accompli parmi les fils des hommes. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions ici. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir.